Pourquoi les objets tombent-ils ? Oui, vous connaissez sans doute la réponse, à cause de la gravité. Mais imaginez, vous êtes un penseur ou une penseuse pré-galiléen, et il faut bien se rendre à l'évidence, c'est loin d'être évident. La lune ne tombe pas, les oiseaux non plus, et pour tous les autres, le fait de tomber a l'air d'être une propriété aussi intrinsèque que la masse ou la taille. Je tombe, donc je suis. Et puis, la masse d'ailleurs. Les objets tombent-ils plus vite s'ils sont plus lourds ? Au milieu de toutes ces affirmations, qui ont l'air parfois vraiment évidentes, il a fallu plusieurs siècles pour comprendre, enfin, la chute. Nous sommes le mercredi 31 mars 2021, vous êtes sur Podcast Science dans l'épisode 444. Alors ce soir, nous avons, une fois n'est vraiment pas coutume, une table uniquement masculine avec Pascal depuis près de Mulhouse. Salut tout le monde. Cléora depuis Perduville en Normandie. Salut à tous. Robin depuis Paris. Salut. Notre invité Nils depuis Vanves. Salut. Et donc moi-même depuis Paris. Et donc nous avions déjà reçu Nils dans l'épisode 398 où il était venu nous parler de son du coup avant-dernier livre, Le Neutrino de Majorana. Qui est un très bon épisode, du coup, je vous le conseille beaucoup, et donc, si vous voulez l'écouter, merci beaucoup, Nils, de revenir. Mais c'est avec grand, grand plaisir que je reviens vous parler ce soir. Et donc, Nils revient nous parler de son dernier livre, aussi en lien avec la physique, Vol AF-747 pour Tokyo, dont on parlera un petit peu à la fin. C'est une invitation qui a été repoussée maintes fois, parce que le livre a été repoussé maintes fois à cause du confinement. Mais cette fois-ci, tu es là, et donc ce soir, tu vas nous parler de la chute des corps. Et c'est à toi, du coup. Eh bien, je chausse mes lunettes. Et on y va. Alors, en guise d'introduction, je vous propose une petite expérience assez surprenante. Je ne vois pas tous nos auditeurs, mais je vois quatre hommes en face de moi. Et je vais vous demander de fermer les yeux. Et comme je vous vois, vous pouvez pas tricher. Ok, voilà. Non, mais oui, fermez les yeux. Attention, vous êtes prêts? Bon, vous êtes prêts? J'enclenche la machine à remonter dans le temps. On parlait des anniversaires tout à l'heure. C'est parti, elle démarre. Ça y est, vous avez un an de moins, deux ans de moins, trois ans de moins, dix ans de moins, vingt ans de moins, trente ans de moins, quarante ans de moins. Stop, stop, stop, stop. Vous arrêtez. Vous êtes assis sur votre chaise haute devant une purée carotte, betterave, brocoli que votre père peine à vous faire manger. On comprend pourquoi. Il compte sur vos petits instants d'inattention pour, à chaque fois que vous regardez ailleurs, vous glisser une cuillère de ce mélange dans la bouche. Vous le sentez, hein? Ouais. Alors, pour se faciliter la tâche, qu'est-ce qu'il fait? Il vous tend votre hochet favori. Vous le secouez et il vous échappe. Mais alors, qu'est-ce qu'il se passe à ce moment-là dans votre petite tête? Personne ne le sait, mais pour la première fois, vous prenez conscience que votre jouet est tombé. Vous vous penchez pour voir où il est. Heureusement que vous êtes attaché. Votre père, bonne patte, le ramasse et vous le tend à nouveau. Alors, consciencieusement, en bon scientifique, vous renouvelez l'expérience et lâchez à nouveau. Et c'est carrément magique. Alors là, c'en est fini de la purée carotte, betterave, brocoli. Hein. Votre père ne vous en fera plus manger une cuillère de plus. Fasciné que vous êtes parce que vous venez de découvrir la gravité. Sur Terre, quand on lâche un objet qui a une masse, on discutera d'ailleurs, est-ce que tous les objets ont une masse? Eh bien, celui-ci rejoint le sol, tout seul, comme un grand. Vous pousserez la découverte de la gravité à vos dépens plus tard, quand vous apprendrez à marcher, mais on n'en est pas là. Vous pouvez réouvrir les yeux, nous sommes revenus en 2021. Je pense que vous avez dû traverser cette petite expérience. En tout cas, moi, je l'ai revécue par intérim avec mes trois fils. C'est incroyable. À un moment, on prend conscience que les choses tombent. C'est vraiment un phénomène fascinant. On apprend à le connaître, à le dompter, à l'utiliser. Marcher, c'est utiliser la gravité. Hein. On l'oublie parfois, hein, mais il faut pencher son centre de gravité pour entraîner le phénomène de marche. Et puis, on prend tout doucement conscience qu'on ne peut pas y échapper. Vraiment. Mais alors, pourquoi est-ce que les montgolfières et les avions volent? Pourquoi est-ce que la Lune ne tombe pas? Pourquoi est-ce que les occupants de l'ISS s'en soucient comme d'une guigne de la gravité? Pourquoi les bateaux ne coulent pas? Pourquoi les petits aimants flottent au-dessus d'un supraconducteur? Et puis, faut-il vraiment avoir une masse pour subir les effets de la gravité? Bon, essayons de répondre à toutes ces questions, tâchons de comprendre comment les scientifiques sont parvenus à expliquer ce phénomène de la chute des corps. Et comme toujours, cette histoire commence avec Aristote. Pour ce savant grec, disciple de Platon, lui-même disciple de Socrate, alors, la chute des corps, tenez-vous bien, est une conséquence directe de l'organisation du cosmos. Ce dernier est structuré en deux parties, le monde sublunaire et supralunaire. La frontière entre ces deux mondes est l'orbite de la Lune. Au-delà, c'est donc le domaine des astres et des dieux, qui est parfaitement constant, rempli d'éther, et dont les objets sont animés de mouvements circulaires uniformes. On les observe à l'œil nu depuis la Terre. En deçà de cette orbite de la Lune, c'est au contraire le monde des transformations et des variations des quatre éléments. Alors, ils sont très connus, hein, la Terre, le feu, l'air et l'eau. Aristote précise que chaque élément possède un lieu naturel. Les éléments lourds, la Terre et l'eau, vont vers le centre de la Terre. Confondu d'ailleurs avec le centre de l'univers, on en reparlera très vite. Et les éléments légers, donc l'air et le feu, eux se dirigent naturellement vers le haut. Alors il y a un petit distinguo, Aristote précise que l'élémentaire est le pesant absolu, il va toujours vers le centre de la Terre, le feu est le léger absolu, il monte toujours vers le haut. Et les deux autres éléments, alors là ça commence un petit peu, voilà, petite approximation, ils sont un petit peu pesants et légers en même temps, ça va dépendre des circonstances. D'accord. Ceci étant, les plus lourds vont toujours sous les moins lourds. Et cette théorie explique, d'après Aristote, pourquoi la Terre est ronde, puisque chaque élément solide est attiré ou tend à plonger vers le centre de la Terre, ce qui explique donc la rotondité de la Terre. Donc, pour Aristote, et c'est un premier pas, on est en 350 avant Jésus-Christ, les corps tombent, car c'est dans leur nature. Tout simplement. Évidemment, mais je pense que nos auditeurs ont l'habitude, Aristote n'a pas fait que du bien hein, en science, on va mettre un petit moment avant de réfuter cette thèse, notamment des quatre éléments, et puis cette thèse concernant la chute des corps. Et c'est uniquement au XVe siècle, donc près de 1800 ans plus tard, que Nicolas Copernic, en s'appuyant sur les écrits de Aristarque de Samos, va ébranler le système aristotélicien en refusant le géocentrisme. Pour lui, le Soleil tourne autour de la Terre, si le Soleil tourne autour de la Terre, c'est juste une question de point de vue, ce qui est plutôt pas mal vu pour le coup. Ce sont sa rotation sur elle-même et sa rotation autour du Soleil qui expliquent les mouvements apparents du Soleil. Bien joué, monsieur Copernic. Ainsi, la Terre n'est plus le centre de l'univers, et du coup, la théorie du lieu naturel d'Aristote ne tient plus. Voilà. L'astronome polonais reprend toutefois ses thèses d'Aristote sur la forme sphérique de la Terre et la généralise aux autres planètes. Pour lui, les corps chutent, car un morceau séparé d'une planète tend à rejoindre cette planète pour s'y réunir. Ce qui c'est bon, c'est pas mal, c'est... ambitieux. C'est une sorte de théorie ça ressemble plus à de l'électromagnétisme, en fait, qu'il y a des choses qui s'attirent plus spécifiquement. Ouais, un petit peu, finalement, on retrouve ce... Après, on est vraiment dans le qualitatif, hein, voilà, on explique avec les mains des choses qui sont quand même compliquées, sans expérience derrière. Et pour lui, donc, un morceau de Terre que vous éloignez de la Terre tombe sur la Terre, mais ça serait pareil pour un morceau de Lune. C'est-à-dire que si vous pouviez mettre un morceau de Terre sur la Lune, celui-ci redescendrait automatiquement sur la Terre. Et si vous preniez un morceau de Lune que vous aviez sur la Terre, celui-ci retomberait sur la Lune. Bon, ok. Je vois que c'est un petit peu flou. Bon, on continue au XVIe siècle. C'est Johann Kepler qui va apporter sa pierre à l'édifice sur l'explication de la chute des corps. Il est resté célèbre pour ses trois lois empiriques sur le mouvement des astres, mais il va aussi revoir l'explication de la gravité et il va franchir un sacré pas. Tout d'abord, il va désinguer le mouvement vers le haut des éléments légers décrits par Aristote. Pour lui, si des corps montent, c'est que des corps plus lourds se glissent dessous, les poussant ainsi vers le haut. Aristote avait dit quelque chose d'à peu près similaire, mais pour lui, il n'y a plus de lieu naturel pour le feu qui serait de monter, c'est que quelque chose de plus lourd s'est glissé sous le feu pour le faire grimper. Mais surtout, il pense que la gravité résulte d'une attraction par un autre corps apparenté. Et là, eh bien, on parlait de l'électromagnétisme, il va la comparer au morceau de fer qui attire, qui est attiré par un aimant. Si l'aimant est immobile, alors le morceau de fer va venir s'y coller. Eh bien, pour lui, ça va être la même chose d'une pierre et de la terre. La terre est immobile, j'écarte la pierre, elle va venir s'y coller. C'est déjà un pas qui est franchi. Et puis, il va même plus loin parce qu'il va affirmer que cette attraction est mutuelle. Ça, c'est balèze quand même. C'est-à-dire que pour lui, la terre attire la pierre, mais la pierre attire la terre. Là, déjà, il y a vraiment quelque chose qui a été compris. On peut penser, il n'est pas si loin, finalement, d'établir la loi de gravitation universelle. Il écrit même dans Astronomia Nova que deux corps voisins et hors de la sphère d'attraction d'un troisième corps s'attireraient en raison directe de leur masse. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu les travaux de Newton, dont on va bien évidemment parler, on voit qu'eh ben bien joué. C'est pas mal, là, oui. Ouais, c'est bien joué. Là, hein, il y a de l'intuition, là. Une très, très belle intuition. Hein, très, très belle intuition. Et du coup, eh ben, c'est le premier à expliquer le phénomène des marées comme l'attraction de la Lune sur l'eau de la Terre. On est en 1600, hein, d'accord. Donc, c'est quand même c'est joli. Alors, il y a un truc amusant, je suis obligé de vous le dire, c'est que la corrélation entre les marées et les mouvements de la Lune était connue depuis l'Antiquité. C'est normal, on les observe, d'accord, assez aisément. Mais c'était le caractère, et je mime des guillemets, ça passe sûrement moins bien dans un podcast qu'en vidéo, mais c'est le caractère humide de la Lune qui expliquait cette attraction de l'eau de la Terre par la Lune. Toutefois, pour Kepler, cette gravitation n'est pas universelle. Ça, c'est marrant, hein. Il dit bien qu'elle se fait entre corps apparentés, dont, pour lui, le Soleil n'attire pas la Terre et les autres planètes. La Terre attire un morceau de Terre, mais le Soleil n'attire pas la Terre. Donc, il n'était pas loin, et en même temps, il y avait encore du travail à faire avant d'arriver aux travaux de Newton. Mais du coup, ouais, contrairement à Copernic, il dit que la Terre et la Lune sont apparentées, de même nature, quoi, contrairement au Soleil. Il y a quand même un... Ouais. Peut-être, ouais. Ah, cette fameuse boule de feu, elle intrigue, hein, elle aussi. On voit bien que c'est quand même pas la même chose que chez nous, quoi. Donc, bon, voilà. Et puis là, on va vraiment commencer à parler de science. Non pas qu'on n'ait pas parlé de science, hein. On est, voilà, ce sont de grands scientifiques. Kepler était un grand scientifique. Aristote a apporté finalement sa pierre à l'édifice. C'est en essayant de le contredire que la science a avancé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines. Mais on arrive à l'époque de Galilée. Galileo Galilei. Alors, lui, c'est vite vu, on connaît pas mal ses travaux, on va en reparler, mais l'un des travaux pour lequel il est connu, c'est la fabrication de la lunette astronomique, enfin, pas la fabrication, l'invention, il l'a fait fabriquer, hein, lunette astronomique qui porte son nom, et ben qui va permettre tout simplement de mettre fin aux élucubrations d'Aristote sur le monde sublunaire et supralunaire. Pourquoi ? Parce que avec sa lunette, il est capable d'observer les satellites de Jupiter. Il est capable d'observer les taches solaires. Et Aristote, qui affirmait que rien ne se passait au-delà de l'orbite de la Lune, que tout était fixé, eh bien, on est pour ses frais. Ben si, il y a des choses qui bougent au-delà de l'orbite de la Lune. Donc, ces deux mondes décrétés par Aristote n'ont aucun lieu d'être. Et ça va permettre à Galilée, entre autres, de construire une nouvelle physique. Et... il va mettre les premières pierres de la physique que l'on connaît et que l'on pratique aujourd'hui. On dit, hein, que c'est le père de la science moderne, Galilée, parce que, eh bien, il va tenter de généraliser par des mathématiques ce qu'il observe lors de ses expériences. Et on retrouve là, hein, des grandes démarches des sciences, essayer de généraliser, de modéliser ce que l'expérience nous montre et de pouvoir le refaire éventuellement. Alors, une chose qui est quand même très surprenante, c'est que l'auteur, donc Galilée, de la chute des corps, ne croyait pas à la théorie de Kepler sur les marées. Il y a un texte qui est amusant parce qu'il dit, hein, Galilée, « Mais tous les grands hommes qui ont philosophé sur cet effet si étonnant de la nature, on parle donc des marées, c'est Kepler qui m'étonne le plus. Cet esprit libre et pénétrant avait à sa disposition les mouvements attribués à la Terre. Il a pourtant prêté l'oreille et donné son assentiment à un empire de la Lune sur l'eau, des propriétés occultes et autres enfantillages du même genre. » Bing, dans les dents Kepler. Bon, pour le coup, c'est pas la phrase la plus heureuse de Galilée, hein, mais que voulez-vous, hein, on peut pas être génial tout le temps. Voilà. Alors, Galilée n'a pas expliqué la gravité. C'est ce que nous allons essayer de faire, hein, au cours de cet épisode. Il s'est contenté d'en décrire les effets et de mettre des mathématiques dessus. On verra que la nuance est quand même de taille. Alors, qu'est-ce qu'il dit finalement dans la chute des corps? Il va procéder en deux temps. Dans un premier temps, il va faire une expérience de pensée qui restait fameuse et que je vais vous suggérer de faire en même temps que moi. Une expérience de pensée, c'est une expérience voilà que l'on fait dans sa tête. Il n'y a pas besoin de matériel. On s'installe tranquillement au soleil, à l'ombre, on ferme les yeux et on imagine ceci. Aristote nous dit « Plus un objet est lourd, plus il tombe vite. » C'est ce que l'on observe grosso modo tout le temps. Alors, Aristote s'est pas trop foulé. C'est vrai que, globalement, dans la vie, si vous avez déjà fait une course de vélo avec un copain qui fait 50 kilos de plus, en bas de la côte, c'est lui le premier. D'accord? Plus c'est lourd, plus ça tombe vite, dit Aristote. Alors, Galilée imagine ceci. C'est magnifique, cette expérience. Il imagine deux pierres. Une grosse et une petite. Si on suit le raisonnement d'Aristote, la grosse pierre va tomber plus vite que la petite, si bien évidemment on les lâche de la même hauteur et en même temps. Elle devrait donc toucher le sol en premier. Ok. Galilée, avec ses deux pierres, il les relie par une ficelle. Ok. Il relie la grosse pierre et la petite pierre par une ficelle. L'ensemble, constitué par ces deux pierres, est donc plus lourd que la grosse pierre. Donc, elle devrait tomber plus vite. Ouais. Ouais. Mais, la petite pierre va faire un peu effet parachute, puisqu'elle tombe moins vite que la grosse. Elle va se mettre au-dessus de la grosse pierre, puisqu'elle tombe moins vite, et elle va faire un petit peu comme un parachute au-dessus de son parachutiste, et donc freiner la chute de la grosse pierre, qui donc, normalement, devrait tomber moins vite que quand elle est toute seule. Aïe. D'accord? Une expérience, on en déduit que l'ensemble devra arriver avant la grosse pierre toute seule, et avec la même expérience, on en déduit que l'ensemble devra arriver après la grosse pierre toute seule. Bref, ça c'est typique, c'est une expérience qui propose et qui aboutit à deux résultats qui sont complètement antagonistes. Cette théorie n'est pas valide. C'est pas possible. Alors, vous pouvez faire cette expérience, ça c'est vraiment le moyen de gagner de l'argent facilement. Je cherche pas à vous débaucher ni à ce que vous ruiniez vos amis, mais certains l'ont fait dans des caméras cachées, ça fonctionne diablement, vous tendez à un copain, une copine, une balle de ping-pong et une balle de golf qui ont la particularité d'avoir un diamètre à peu près équivalent. C'est assez fou, hein, à quelques millimètres, et même j'ai envie de dire, ouais, c'est vraiment, ça doit se jouer à 1 ou 2 millimètres, ces deux balles ont exactement le même diamètre. Mais dès qu'on les prend en main, on sent tout de suite que la balle de golf est beaucoup plus lourde que la balle de ping-pong. Et vous lui proposez de les lâcher simultanément de la même hauteur. Juste avant, vous pariez un petit billet sur la balle qui va toucher le sol en premier. Dans 9 fois sur 10, les gens mettent un gros billet sur la balle de golf. Hein, c'est spontané, c'est Aristote hein, qui est en nous, voilà, c'est le petit Aristote qui se cache en nous. Mais c'est normal, c'est complètement intuitif. Et puis, quand il lâche les deux balles, eh bien, on s'aperçoit qu'elles touchent le sol simultanément. Alors, simultanément, hein, on n'est pas là au millième de seconde ni à la microseconde, mais à l'œil nu, c'est presque impossible à voir. Si elles sont bien lâchées de la même hauteur, les deux balles de ping-pong et de golf touchent le sol en même temps. Donc, un objet plus lourd ne tombe pas plus vite. Bon, alors une fois que Galilée s'est débarrassé de cette vision des choses, il va, ça y est, se lancer dans les expériences. C'est pour ça qu'il est connu. Il va vraiment faire des expériences pointues qui sont, le mot m'échappe, que l'on peut refaire pour les vérifier et qui donnent toujours le même résultat. Alors, la légende dit qu'il lâche des billes de masse différente depuis la tour de Pise. C'est une légende. C'est depuis le haut d'une église de Padoue, mais c'est pas lui qui les lance, c'est un assistant. Le problème, c'est un petit peu le cas que j'évoquais juste avant, entre la balle de ping-pong et la balle de golf, c'est que c'est pas très facile de savoir s'il y a simultanéité. D'accord, voilà, si on veut être grossier, oui, pourquoi pas, comme dans le cas de la balle de ping-pong et de la balle de golf, mais si on veut faire un travail un petit peu plus pointu, comme vous voulez le faire Galilée, c'est difficile. Alors, il a une idée assez remarquable. Au lieu de faire chuter verticalement des objets, il va les mettre sur un plan incliné. Alors, ce plan incliné, il est magnifique. On peut le voir au Musée des sciences de Florence. Il y est toujours, hein, celui qui a été commandé par Galilée. Alors, c'est un truc, ça ressemble à une piste, je sais pas, à un tremplin de ski. Tremplin de ski, voilà, il y a une petite goulotte. Et puis, on peut lâcher une bille depuis son sommet et la voir dévaler la pente. Sur le passage de la bille, Galilée va mettre des clochettes. Et quand la bille passe, ça frappe la clochette et déclenche un son. Et en faisant glisser la bille, il s'aperçoit que si les clochettes sont séparées d'une même distance, les sons, eux, ne se sont pas séparés de la même durée. Alors, il les décale, ces clochettes, jusqu'à obtenir un son périodique. Et ça, il y a des tableaux et on le raconte, c'était un assistant particulièrement bon en musique, enfin qui avait l'oreille musicale, qui a été capable de dire « oui, là, c'est bon, c'est périodique hein, ». Parce que bon, voilà, il faut être capable de savoir juger de la périodicité d'un signal à l'oreille. On n'est pas dans une précision de fou, mais ça n'empêche. Et il s'aperçoit qu'en déplaçant les clochettes de façon à ce que les distances suivent les carrés, 1, 2, 4, 16, eh bien le son devient périodique. Le son devient périodique. Et il en découvre donc que plus... où est-ce que j'en suis ? Oui, c'est ça. La vitesse augmente. La vitesse augmente. Alors, il pousse le raisonnement encore plus et il prend conscience que les frottements, expliquent peut-être cette différence de vitesse lors de la chute des objets. Et il se dit que plus il diminue les frottements, plus la vitesse augmente. Il le fait sur sa piste, il modifie la goulette, la goulotte. Il modifie la goulotte pour faire accélérer les choses. Et là, il va franchir un pas d'abstraction qui est assez génial. Il en finit par parvenir à la conclusion que s'il n'y avait pas de frottement, tous les objets devraient tomber à une vitesse égale à chaque instant. Sans frottement, tous les objets tombent à vitesse égale à chaque instant. Alors pour les plus férus de physique, avec la même accélération. Okay ? Et il énonce cette loi. Tous les corps en chute libre tombent dans le vide avec la même accélération dans un champ de gravitation, quelle que soit leur nature et leur forme. Waouh. Alors ça, moi je suis prof de physique, c'est une expérience. Alors quand on a le temps de la faire, on la fait, et puis surtout quand on a le fameux tube de Newton. Peut-être que vous l'avez vu en tant que lycéen. Le tube de Newton est un long tube d'à peu près 1m10, 1m20, dans lequel le vide a été fait. Alors généralement on le refait avec une cloche à vide, et puis à l'intérieur se situe une petite bille en fer et une plume. On retourne le tube assez vivement et on constate. C'est toujours un petit peu, voilà, il faut avoir les yeux de la foi, hein. Mais on constate que la bille de plomb et la plume tombent simultanément de l'autre côté du tube. C'est assez bluffant. Tous les objets tombent à la même vitesse dans un champ de gravitation, quelle que soit la nature et la forme. Alors, cette expérience a été refaite et il faut surtout pas louper. Il y a une expérience qui a été menée par la BBC, par un journaliste, qui s'est rendu dans la plus grande chambre à vide du monde. Elle est en Grande-Bretagne, je crois, de mémoire. Hein. C'est un truc immense, je crois que c'est fait pour tester des trucs, des moteurs de fusée, enfin, je sais plus quoi. Enfin, bref, ils arrivent à créer un vide qui est presque parfait. Et il a accroché au plafond une boule de bowling et une plume d'autruche. Et c'est magique. Les deux objets sont lâchés simultanément et ils touchent le sol exactement en même temps. C'est super bluffant. Il y a aussi l'expérience menée par David Scott au cours de la mission Apollo 15 avec le marteau et la plume sur la Lune. Ça aussi, elle est très, très jolie. Il prend un marteau et une plume, il les lâche simultanément et ces deux objets touchent le sol lunaire en même temps. Il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune, donc pas de frottement. Si votre lycée a plus de moyens, c'est ce qu'il faut faire. C'est ça, c'est exactement ça. Je ne te cache pas que YouTube est notre ami dans ces cas-là et qu'on propose la vidéo qui est fort sympathique avec un petit peu d'anglais, mais assez simple à comprendre de cette expérience qui est vraiment impressionnante. Alors, on a franchi un pas, hein, voilà, la chute des corps vraiment commence à être comprise, mathématisée. On peut trouver le temps de chute, par exemple, d'un corps. On peut commencer à faire des calculs là-dessus. Mais d'autres savants contemporains de Galilée vont eux aussi essayer d'expliquer la chute des corps. On peut citer notamment René Descartes, notre Français à nous, qui lui va complètement se planter. Hein. Bon, ben voilà, ça arrive. Parce qu'il va expliquer la gravité comme un subtil et complexe jeu de tourbillon de l'élément qui baigne l'univers. Alors, on ne parle pas d'éther, mais on sous-entend. Alors, le soleil, en tournant, met en rotation cet élément qui emporte les planètes autour de lui. Bon, ok. Les satellites, comme la Lune ou comme ceux de Jupiter, tourneraient autour des planètes en raison des tourbillons secondaires dans cet élément que génèrent les planètes avec leur rotation. Bref. Quant à la pierre qui tombe, pour faire simple, il va reprendre la thèse de Galilée. Si elle tombe, c'est qu'elle est plus lourde que l'air et qu'elle se glisse dessous. Bof, voilà, c'est pas les meilleures intuitions de René Descartes. En revanche, le savant anglais Robert Hooke, qui est plus connu sur les travaux de déformation élastique des corps, il me semble qu'il y a une constante de Hooke, si je ne m'abuse, et surtout pour l'horlogerie, c'est lui qui a inventé l'échappement à ancre, qui est dans les premières balances, les premières horloges. Lui, il va émettre une hypothèse d'une force exercée par le Soleil qui force les planètes à rester en orbite autour de lui. Il parvient même à montrer que cette force est en 1 sur R carré. Pas mal, pas mal. Mais il ne peut s'en servir pour déterminer la trajectoire elliptique des planètes autour du Soleil, que Kepler avait empiriquement mise en évidence. Il va d'ailleurs en vouloir un petit peu à Newton, qui lui va pousser les travaux mathématiques jusqu'au bout, lui reprochant de s'être inspiré de ses travaux sans le remercier à sa juste valeur. Et oui, car justement Isaac Newton, nous sommes au XVIIe siècle, va donc pour reprendre la formule traditionnelle, hein, elle est de lui, se jucher sur les épaules des géants. Il entendait par là vraiment Galilée pour créer une des plus belles théories physiques. Et à ce jour, elle l'est encore. Hein. En 1665, il y a la peste à Londres. Et du coup, Newton quitte Londres et rejoint sa campagne. Je ne sais plus où c'est, en Angleterre. Et pendant 2 ans, cette période d'isolement va lui permettre d'élaborer la théorie corpusculaire de la lumière et surtout créer en 1666. Alors 1666, c'est une des deux annus mirabilis de la physique, avec 1905. Vous voyez peut-être pourquoi. Voilà, une année fantastique pour la physique, c'est 1666. Et donc Newton va créer une nouvelle branche des mathématiques, l'analyse. Rien que ça, basée sur le calcul infinitésimal. Alors Leibniz revendiquera la paternité, hein, ils vont s'engueuler toute leur vie, ces deux-là, là-dessus, de façon bien violente quand même. Hein. Le calcul infinitésimal, il y a la dérivation, il y a les intégrations, et puis il va pouvoir mettre en place les outils qui lui seront nécessaires pour publier en 1687 son œuvre majeure, Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, principe mathématique de la philosophie naturelle, dans laquelle il va énoncer les 3 lois qui portent son nom. Première loi de Newton, deuxième loi de Newton, troisième loi de Newton, aussi connue sous les noms de principe d'inertie, principe fondamental de la dynamique et le principe des actions réciproques, et aussi la théorie de l'attraction universelle. Qu'est-ce qu'elle dit, cette théorie? Eh bien, elle dit que les corps qui ont une masse s'attirent avec une force proportionnel au produit de leur masse et inversement proportionnel au carré de la distance qui les sépare. Ouf. Alors, c'est sûr que quand on a la formule sous les yeux et qu'on est rompu aux formules, c'est plus clair. Qu'est-ce qu'on peut dire? Plus 2 objets sont lourds, plus ils s'attirent. Plus 2 objets sont proches, plus ils s'attirent. Ça se résume à peu près comme ça. D'accord. La formule FGMAMB sur AB carré est connue de tout lycéen qui est passé par le lycée, quoi. Hein. Cette loi, elle est universelle. D'accord. Et puis, elle explique un sacré paquet de choses qui jusque à présent étaient restées un peu mystérieuses. Elle explique que la pomme tombe sur la terre. Voilà, la terre et la pomme ont des masses et donc elles s'attirent en fonction de leur masse et inversement proportionnelle à la distance qui les sépare. Mais elle explique aussi pourquoi le soleil attire et garde la Terre en orbite. Il explique pourquoi la Terre retient la Lune en orbite. On a la première théorie fiable sur la chute des corps. C'est pas tout. Grâce à cette loi, Newton explique le phénomène des marées de façon définitive. Il démontre que la Terre est aplatie à l'équateur. Il explique le phénomène de précession des équinoxes. Alors, le phénomène de précession des équinoxes, je ne fais pas le malin, mais l'axe de la Terre tourne sur lui-même, selon un cône de période de 26 000 années. Voilà, donc les résultats obtenus avec la théorie de Newton sont assez fascinants et c'est une vraie, vraie révolution. Alors, il y a quelque chose qui est très important à noter. Newton, en 1692, écrit ceci. Que la gravité soit innée, inhérente et essentielle à la matière, en sorte qu'un corps puisse agir sur un autre à distance au travers du vide, sans médiation d'autre chose, par quoi et à travers quoi leur action et leur force puissent être communiquées de l'un à l'autre, est pour moi une absurdité. J'ai expliqué jusqu'ici les phénomènes célestes et ceux de la mer par la force de gravitation, mais je n'ai assigné nulle part la cause de la gravitation. Je n'ai pas pu encore parvenir à déduire des phénomènes la raison de ces propriétés de la gravité et je n'imagine point d'hypothèse. Alors ça, c'est balèze quand même, c'est fort. C'est-à-dire que Newton, et d'ailleurs comme Galilée, avoue qu'il s'est contenté de décrire, de modéliser la chute des corps sans en comprendre la cause. C'est c'est puissant ça, hein. C'est-à-dire que il explique le phénomène, il est capable de le modéliser, il est donc capable de prévoir ses effets, mais il ne comprend pas pourquoi il existe. On appelle ça une théorie effective qui explique les effets, mais qui n'explique pas la cause. Alors, ceci étant, cette théorie, elle est trop belle. Elle est trop belle, tous les calculs que l'on peut faire avec fonctionnent, c'est une merveille. C'est une merveille. Je voudrais pas dire de bêtises. Je crois que c'est comme ça qu'on a trouvé Uranus, mais il n'y a pas un astronome parmi nous qui serait un peu plus féru. Non, le Verrier, Uranus, je crois que c'est ça, grâce à la théorie newtonienne. Toutefois, bon, il y a quand même des contemporains de Newton qui, Huygens par exemple, ont du mal à satisfaire et bien justement du mystère qui entoure cette force à distance. Oui, cette force, on est capable de la modéliser, d'en prévoir les effets, mais pourquoi est-elle là? Alors, il essaye de l'expliquer en se raccrochant à la thèse de Descartes avec ces espèces de tourbillons. Bon, ça marche pas terrible. Au XVIIIe siècle, Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, lui, va défendre bec et ongle les travaux de Newton en affirmant finalement que la cause importe peu. Voilà, il fournit des résultats tellement extraordinaires qu'après tout, d'où vient ce phénomène de gravité? Peu importe. On est capable d'en prédire les effets, c'est bien suffisant. De nombreux savants, d'Alembert, Bernoulli, lui emboîteront le pas et feront donc triompher ces thèses quantitatives de Newton au détriment de tentatives de compréhension qualitative de Descartes et de Huygens. On peut notamment citer les travaux de Cavendish, 1792, alors qui détermine, à l'aide d'un dispositif assez célèbre, Johan, je ne sais pas si tu as la photo, là, tu arrives à la mettre, la valeur de la constante de gravitation universelle qui figure dans la loi d'interaction newtonienne, le fameux grand G, 6,67, 10 puissance, moins 11. On a souvent tendance à mettre SI derrière, parce que les unités sont un peu galères. Cette expérience est magnifique, elle aussi, hein, et l'appareillage est très, très beau. Avec deux grosses boules attirées par deux petites boules et puis un fil de torsion, il arrive à trouver cette valeur. Bref, c'est un véritable succès que cette théorie de la gravitation universelle. Véritable succès scientifique. Au 19e siècle, Faraday, lui aussi, a du mal à croire à l'apparition de cette force de gravitation à distance instantanément, car c'est bien de ça dont il s'agit. Pour Newton, ça l'étonnait que cette force puisse apparaître instantanément entre deux objets massiques. Eh bien, Faraday va, en parallèle avec les travaux qu'il mène sur le magnétisme, élaborer la notion du champ gravitationnel. Le champ gravitationnel est créé par une masse autour d'elle, et quand une seconde masse est introduite dans ce champ, alors apparaît une force gravitationnelle. C'est aussi un principe de physique qui est assez important, le champ. C'est pas mal, mais alors, le problème est toujours entier. Quel est le support de ce champ? Est-ce que c'est le fameux éther dont parlait déjà Aristote et qui, on est en 1900, est toujours d'actualité? Par support du champ, est-ce que tu peux un tout petit peu développer peut-être pour... Alors, un petit peu développer, le champ, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile à faire comprendre aux élèves. C'est, ouais, c'est plus abstrait, je crois qu'il n'y a pas... Aux auditeurs. Pardon d'avoir pris les auditeurs pour mes élèves, je me suis enflammé. C'est l'habitude des visios de l'enseignement à distance. Voilà. Le champ n'est pas vraiment pas une chose simple à expliquer, vraiment très très abstraite. Et surtout en plus sur ce support du champ. Si on reprend l'image de Descartes avec un tourbillon. Ouais, pourquoi pas. L'image de Descartes donnerait plus envie de voir une onde. D'ailleurs, je pense que c'est plus ça qu'il avait en tête. Et là, il faut quand même un support matériel. Le champ... Alors, le champ... Ouais. Est-ce que ça serait pas pour une analogie? Alors, est-ce que c'est trop simplifié comme analogie? Est-ce que ça serait pas l'équivalent de ce champ qu'on chercherait pour la gravité de ce que l'air est pour le son, par exemple? Ce support matériel qui permet au son de se propager? Eh bien, je pense que à l'époque, c'est comme ça que c'est vu. Maintenant que tu le dis, c'est peut-être bien ça, effectivement. Et on cherche ce machin qui est équivalent à l'air, qui permettrait à la gravité de se propager. C'est déjà ça qui permettait, soi-disant, à la lumière de se propager. Mmh. Alors, c'est pour ça que, voilà, bon, la lumière, on ne savait pas encore que c'était un champ électromagnétique, une onde électromagnétique, avec des champs qui se déplacent. Donc, peut-être comme ça. Bon. D'accord. C'est pas grave, parlons d'Einstein. On est arrivé enfin à... on va évoquer la deuxième annus mirabilis de la physique. Einstein naît le 14 mars 1879 à Ulm, qui est dans l'Empire allemand à cette époque. Et il va révolutionner lui aussi la physique, hein, on le sait, de multiples façons. Dans de multiples domaines de la physique, et nous on va essayer de s'intéresser à la chute des corps, puisque c'est le sujet de cette émission. Alors, la révolution Einstein va se faire en deux temps, avec deux théories qui vont révolutionner la physique. En 1905, la première pierre, avec la théorie de la relativité restreinte, le jeune ingénieur au bureau des brevets de Berne tire un trait définitif sur l'éther. Une bonne fois pour toutes, sa démonstration est lumineuse, c'est le cas de le dire. L'éther n'existe pas, c'est quelque chose de superflu. Et donc l'éther, oui, juste pour raccrocher, c'était ce support qu'on imaginait présent, quoi. Voilà. C'est équivalent à l'air pour la relativité. Exactement. Ce truc qui permet à se propager, ouais. Qui remplaçait le vide, en fait, hein, qui est, le vide était inconcevable, hein, le horreur vacui était encore dans pas mal de têtes, hein, la nature a horreur du vide. Alors, éliminant l'éther, il va poser deux principes fondamentaux pour sa relativité restreinte. Un, les lois de la physique sont les mêmes, quel que soit le référentiel. Alors ça, Galilée l'avait déjà un petit peu évoqué en disant que le mouvement n'était rien. C'est-à-dire que si vous faites tomber une bille dans un train, alors qui roule à vitesse constante en ligne droite, la trajectoire de la bille sera exactement la même que si vous la faites tomber de la même hauteur sur le quai qui est immobile. Donc, pour les lois de la physique, le mouvement semble comme rien. Einstein s'y accroche. Et puis, la deuxième chose qui sort de cette théorie de la relativité restreinte, c'est que il y a une seule chose qui est absolue, c'est la vitesse de la lumière, et ce, quel que soit le référentiel. Alors, pour respecter ces deux principes-là, Einstein est obligé, eh bien, de déformer le temps et l'espace. Alors, le but de l'émission n'est pas de refaire une émission sur la relativité restreinte. Hein. Je vous renvoie aux émissions passées et peut-être aux émissions futures. Hein. On ne cessera pas d'en parler, c'est quand même assez joli. Mais effectivement, ce n'est plus comme dans la théorie newtonienne. Le temps n'est plus le même pour tout le monde. Il est propre à chacun dans son référentiel. Alors ça, c'est effectivement une révolution qui est très difficile à entendre. Hein. C'est complètement contre-intuitif. On ne l'observe jamais sur Terre. On ne l'observera jamais de notre vivant. Alors, on l'observe via des applications, hein, le GPS, voilà, pour citer les plus connus. Mais c'est bien comme ça. Le temps n'est plus absolu. Les distances non plus. Les distances se contractent suivant le référentiel, suivant la vitesse des référentiels l'un par rapport à l'autre. Bref, tout ceci amène Einstein à considérer non plus d'un côté l'espace avec ses trois dimensions et de l'autre le temps qui filerait sur un axe unique, mais à considérer le tout comme l'espace-temps. L'espace-temps. Alors, là, il y a un problème. Il y a un problème. Newton, dans sa théorie de la gravitation, dit que deux corps s'attirent, proportionnellement à la masse et inversement proportionnel à leur distance, mais surtout instantanément. Instantanément. C'est-à-dire que dès que vous mettez un objet massique dans le champ de gravitation d'un deuxième objet, apparaît, naît une force de gravitation. Alors, ça, c'est un petit peu contrariant pour Einstein, puisque la distance entre les deux corps n'est pas nulle. Ça voudrait donc dire que l'information gravitationnelle se propage instantanément, c'est-à-dire à une vitesse infinie. Donc en gros, ça voudrait dire que dès qu'il y a un objet qui apparaît quelque part dans l'univers, tous les autres objets de l'univers, d'un coup, sont au courant. Exactement. Ce qui sous-entendrait que l'information est passée à une vitesse infinie. Or, Einstein a bien dit qu'il y a une vitesse absolue et indépassable qui est celle de la lumière dans le vide. 299 792 458 mètres par seconde, je crois, hein, je crois, de mémoire. C'est donc pour lui, ça va pas. Pis, ça, Robin. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. D'autre part, la théorie de la relativité restreinte n'est valable que pour des référentiels en translation rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres, ce qui, vous en conviendrez, est un cas quand même assez restreint. D'accord, de mouvement d'un référentiel par rapport à l'autre. Bref, il a compris qu'il avait encore pas mal de boulot. Ça va lui prendre quand même 10 années, 1905 à 1915, pour essayer de généraliser sa théorie de la relativité restreinte et expliquer enfin la gravitation. Alors, c'est une idée, j'adore, c'est connu, hein, certains d'entre vous l'auront peut-être sûrement déjà entendu, mais c'est une belle histoire, je trouve, et puis qui est parlante. C'est une idée un peu saugrenue qui va être à l'origine de ses réflexions en 1907, idée qu'il a répété de partout, qu'il a considérée comme la plus heureuse de sa vie. Il observe des ouvriers qui travaillent sur le toit en face, qui remettent des tuiles en face du bureau des offices de Berne. Et l'un d'eux échappe une tuile. Et là, il s'imagine l'ouvrier tombant avec sa tuile. Et il se dit ceci: si je tombe, je ne sens plus l'effet de mon poids. Parce que tout ce qui tombe avec moi, mon chapeau, mon parapluie, mon chien, ma tuile, tombe exactement de la même façon. Et ça, Galilée nous l'avait dit. D'accord? Donc je les regarde autour de moi, et je n'ai plus l'impression de tomber. Tout est en apesanteur autour de moi. Le poids semble avoir disparu. Alors que, on est bien d'accord que c'est le poids qui est responsable de la chute. C'est-à-dire que d'un seul coup, on a un petit peu, on confond la cause et l'effet. Je tombe à cause du poids, et pourtant je ne ressens plus les effets du poids. Mm-hmm. Alors, il y a une expérience qui est bluffante là-dessus. Parce que, comme dit comme ça, c'est vrai qu'on se dit, mais bon, Einstein, ok, je vois pas en quoi ça peut être une idée heureuse de voir un gars qui tombe. Okay, et pourtant, alors juste pour vérifier ça, ça c'est vraiment bluffant. Vous prenez une bouteille d'eau, la remplissez, vous percez un tout petit trou vers le bas, alors pas dessous, hein, vers le bas, afin qu'un petit jet d'eau se forme. Ouais, une petite fontaine, quoi. Une petite fontaine. On sait que la colonne d'eau appuie sur les molécules d'eau qui sont en bas. Ça s'appelle la pression. Et puis l'eau gicle. Ensuite, vous montez sur une table et vous lâchez la bouteille. Vous aurez la surprise de constater que pendant la chute, l'eau ne gicle plus. Il faut le voir. C'est tout con, mais c'est tout bête, mais c'est assez surprenant. L'eau ne gicle plus pendant la chute. Alors, faites attention parce que par contre, quand ça touche le sol, là, ça y va pas mal, quoi. C'est une bouteille en plastique, mais quand on tombe, on a l'impression de ne plus avoir de poids. Alors, comment est-ce qu'il va interpréter ça? La deuxième loi de Newton nous dit que la somme des forces extérieures est égale à la masse du système multipliée par son accélération. Est-ce que la loi F égale MA vous rappelle quelque chose? Quand vous tombez, la seule force qui s'applique sur vous, c'est votre poids, mg. Donc, quand vous tombez, le poids est égal à mg, or les forces sont égales à ma. Donc, mg est égal à ma. Votre masse multipliée par l'intensité de la pesanteur est égale à votre masse multipliée par l'accélération que vous avez. Et donc, on en déduit, en simplifiant les deux masses, que votre accélération est celle de la pesanteur. Vous chutez avec une accélération de 9,81 mètres par seconde au carré. Mais ça, c'est vrai si on peut simplifier les masses. C'est-à-dire si la masse qui est dans mg, que l'on appelle la masse grave, d'abord celle qui est due à la gravité, celle qui explique votre poids, est la même masse que celle qui est dans la loi de Newton, F égale ma, que l'on appelle la masse inerte. Celle due aux forces qui s'appliquent sur vous. Alors, Newton, il s'était pas embêté avec ça. Il avait dit, c'est magnifique. C'est la nature qui a bien fait les choses. C'est un hasard magnifique. Les deux masses, en fait, ces deux coefficients de proportionnalité sont égaux. Einstein, lui, il s'en satisfait pas. Il conçoit que c'est derrière ce petit miracle, c'est-à-dire l'égalité de ces deux masses, celle qui intervient dans l'accélération et celle qui intervient dans la gravité, qui sont les mêmes, que se cache la clé du problème. Parce que c'est vrai que c'est quand même, pour revenir peut-être aux auditeurs, c'est vrai que enfin, j'ai une fois pensé effectivement à quel point c'est surprenant en fait que ça de, enfin s'il y a pas de, il y en a un qui est un coefficient de qui s'applique dans le cas de la gravité et qui est donc c'est ce mg, et dans l'autre cas c'est une propriété intrinsèque d'un objet, il a une masse. Mais qui va s'appliquer du coup dans tout un tas de forces différentes, qui va être relié à un tas de trucs. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de, ça donne quand même un truc qui a l'air d'être assez particulier sur la gravité d'un coup, que la gravité a l'air d'être. Alors après, on peut s'en affranchir assez aisément parce qu'il y a quelque chose aussi qui est assez, pour le coup, instinctif. Plus un objet est massique, donc plus sa masse grave est grande, plus il est difficile à mettre en mouvement. Essayer de pousser un vélo, on y arrive. Essayer de pousser une voiture, c'est beaucoup plus dur. On finit par y arriver, mais c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que l'inertie de cet objet est beaucoup plus grande. Donc on peut se dire, ah bah oui, ça marche finalement. Je vois bien que plus j'ai une masse grave grande, plus la masse inertielle l'est aussi. Du coup, on peut franchir allègrement le pas en disant, bah en fait, elles sont égales. Einstein, lui, il voulait pas. Ça l'embêtait. Alors, il va faire une autre expérience de pensée. Il est connu pour avoir fait un sacré petit paquet, des expériences de pensée, Einstein. Je vous propose d'essayer de la faire à votre tour. Vous êtes donc dans une boîte fermée, sans fenêtre, en plein milieu de l'espace. Okay, donc, vous prenez la taille de la boîte qui vous arrange. Vous savez, les toilettes de chantier, là, on peut imaginer ça, ou un Algeco. Enfin bref, vous êtes dans une boîte vide, sans fenêtre, avec rien de distinctif à l'intérieur, et cette boîte a été posée dans l'espace. Comment vous respirez, ce n'est pas mon problème, on imagine que vous avez une bouteille d'oxygène sur le dos. Ok, donc vous êtes loin de tout corps massique, conséquemment personne ne vous tire dessus, avec la force d'interaction gravitationnelle, et donc vous flottez au milieu de votre voile, comme Thomas Pesquet au milieu de l'ISS. Voilà, vous êtes flotté, vous êtes ce qu'on appelle en apesanteur. Il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas. Ok. Là, sous la boîte, on met un énorme réacteur, bien puissant, ok, et on le met en marche. Cet énorme réacteur va donc communiquer à la boîte un mouvement rectiligne qu'on va choisir uniformément varié, c'est-à-dire avec une accélération constante. Vous mettez les gaz, la boîte part dans une direction opposée à la sortie des gaz et génère une accélération constante. Qu'est-ce qui se passe? Vous étiez en train de flotter dans la boîte? Eh bien, la boîte vous rattrape. Vous étiez au milieu de la boîte, je pousse la boîte par le bas, la boîte vous rattrape. Mais pour vous qui êtes à l'intérieur, vous avez l'impression de quoi? Vous avez l'impression de tomber, puisque d'un seul coup, vous venez vers le sol de la boîte. Non, si, oui, ok, d'accord. C'est l'accélération de la boîte qui est responsable de votre mouvement vers le bas. Vous flottez, la boîte est poussée d'un seul coup vers le bas, le sol vous rattrape, mais vous, dans la boîte qui ne voyez rien, vous avez l'impression de descendre vers le sol. Vous chutez. Et donc, pour Einstein, il y a une équivalence. On ne peut pas discerner un champ de gravitation d'une accélération. C'est-à-dire que cette boîte qui est accélérée devient pour vous un champ de gravitation. C'est indiscernable. Voici le fameux principe d'équivalence qui va mener tout doucement à la théorie de la relativité générale. Alors, cette expérience, je l'ai vue, elle existe sur YouTube, je vous engage à aller le voir, lors d'un reboost de l'ISS, pour se remettre sur sa trajectoire, sur doit dévier sûrement l'ISS, je suppose, hein, et épisodiquement, ils remettent un coup de moteur pour se remettre correctement sur la bonne orbite, d'accord ? Ben, là, on a la boîte. Hein. On a la boîte. Et un des spationautes, cosmonautes, astronautes, je ne sais pas, un des hommes à bord, se filme et il a son appareil photo devant lui. D'accord. Il a son appareil photo devant lui et c'est top parce qu'il sait exactement au moment où on va mettre les moteurs. Donc l'appareil photo flotte devant lui et au moment où l'ISS est poussé par les moteurs, on voit l'appareil photo qui tombe. C'est-à-dire qu'il vient vers l'avant, vers la caméra, là où poussent les moteurs. C'est exactement le principe de la boîte d'Einstein. C'est-à-dire que d'un seul coup, cette accélération se transforme en force gravitationnelle pour cet appareil photo. Allez voir cette petite vidéo, elle est assez amusante. Donc, Einstein a posé son principe d'équivalence. Et alors là, ça se complique un petit peu. Il va faire une autre expérience de pensée, on en est à la troisième, mais j'en aurais bien d'autres à citer, celle du manège en rotation. Alors celle-ci, elle est assez compliquée à expliquer, voire très compliquée à expliquer. Retenons que cette expérience le convainc que la géométrie plane que nous utilisons n'est plus valable dans un référentiel accéléré et qu'il va devoir l'abandonner au profit d'une géométrie courbe. Oui, ça se complique, donc voilà. Ne rentrons pas trop dans les détails. L'expérience montre aussi qu'un mouvement accéléré déforme l'espace et déforme le temps. Alors, vous verrez ce petit, elle est consultable, l'expérience du manège en rotation. Et c'est vrai qu'on montre que le fait qu'il tourne, eh bien, cela déforme l'espace et cela déforme le temps. Donc, un mouvement accéléré déforme l'espace-temps. Einstein, grâce à son principe d'équivalence, a montré que le champ de gravitation était équivalent à un référentiel accéléré. Donc, si une accélération déforme l'espace-temps, un champ gravitationnel déforme l'espace-temps. Ok. Alors, Einstein va revenir à Zurich, il va travailler sur les mathématiques avec Marcel Grossmann, un ancien camarade, notamment dans des géométries non euclidiennes, et il va formaliser sa théorie de la relativité générale, et on touche du doigt enfin ce qu'est la chute des corps. La gravitation n'est pas une force, c'est une déformation de l'espace-temps. Tous les objets massifs sont libres, ils évoluent selon un mouvement inertiel, selon des géodésiques, et ces géodésiques ne sont pas forcément droites. Et donc, il n'y a plus de chute libre des corps, mais des trajectoires de moindre courbure. Waouh ! On est arrivé à l'explication intrinsèque de la gravitation. Ce n'est pas une force, c'est une trajectoire dans l'espace-temps. Si cet espace-temps est courbé, eh bien, ma foi, ça explique pas mal de choses, comme par exemple que la Terre tourne autour du Soleil. Bon, pour finir, Einstein va faire coller son idée de la gravitation avec les principes énoncés dans la relativité restreinte. On ne peut pas aller plus vite que la lumière, donc du coup, quand je mets une masse, ça perturbe et ça déforme l'espace-temps, eh bien, cette déformation ne peut pas se propager à une vitesse infinie, comme le suggérait Newton avec sa force d'interaction gravitationnelle. Cette déformation va générer une onde, exactement comme une petite vague se crée quand on jette un caillou dans un lac. Et Einstein va montrer que cette onde se déplace à la vitesse de la lumière. L'information gravitationnelle ne se déplace plus instantanément, comme dans la mécanique newtonienne, elle n'est plus instantanée. C'était quelque chose qui était un petit peu perturbant pour pas mal de physiciens. Et grande révolution, en 2015, le 14 septembre, ces ondes gravitationnelles auxquelles Einstein, s'il les avait postulées, il n'avait fait que les postuler, ont été mises en évidence par l'expérience LIGO. Donc c'est un vrai succès sur toute la ligne. Voilà, donc plus de chute décor, mais un déplacement sur des lignes de moindre courbure. Waouh, c'est sûr que c'est costaud. Pour ma part, je ne vous cache pas que je préfère en rester à la théorie newtonienne, qui explique beaucoup de choses, qui est quand même plus simple à entendre, plus simple à comprendre, et qui explique pas mal de trucs. Alors, pourquoi les avions volent, par exemple ? Les avions semblent échapper à la gravité puisqu'ils sont capables de se maintenir en l'air. Bien, on sait qu'en fait, c'est une histoire de pression. Les ailes sont fabriquées de telle façon que la pression de l'air est bien supérieure sous les ailes que sur les ailes et génère donc une force que l'on appelle pressante qui compense le poids, c'est-à-dire l'effet de la gravitation. Chaque fois que l'on lutte contre la gravitation, c'est ce phénomène-là qui est en cause, c'est-à-dire que il y a une autre force qui compense la gravitation. La montgolfière, pareil. La montgolfière, une force compense le poids qui tire la nacelle vers le bas, et cette force, c'est la poussée d'Archimède avec un gaz qui déplace beaucoup d'air et qui donc subit une force pressante vers le haut. Les bateaux qui ne coulent pas, parce que la gravité existe, hein, quand on prend un caillou et qu'on lâche dans une piscine, il va au fond, la gravité s'exerce aussi dans l'eau d'une piscine. Ben, on est toujours pour les mêmes raisons, si le bateau ne coule pas, c'est qu'une force s'oppose au poids qui le tire vers le bas, vers les abysses. Cette force, là encore, c'est la poussée d'Archimède, il convient d'écarter et de prendre le plus de place dans l'eau. Ça c'est pareil, petite expérience simplette, mais ou combien parlant, je trouve, avec des enfants notamment, hein, une boule de papier d'aluminium coule, la même boule que vous dépliez en forme de bateau flotte. Ça, c'est toujours amusant à voir. Voilà, faites un petit bateau en alu, flotte. Vous réduisez la même quantité d'aluminium en boule, ça coule. Poussée d'Archimède. Alors, la Lune, pourquoi est-ce que, du coup, la Lune ne nous tombe-t-elle pas dessus? Eh bien, en fait, elle ne fait que ça. Elle nous tombe dessus depuis 4,5 milliards d'années. Elle ne cesse de nous tomber dessus. Simplement, à sa création, on lui a impulsé une vitesse. On lui a impulsé une vitesse et donc elle tombe sans jamais toucher le sol. Elle ne fait que tomber. Elle est finalement en orbite. Mais la Lune est attirée par la Terre. Si on arrivait à stopper le mouvement de la Lune, elle nous tomberait dessus bel et bien, sans aucun problème. Elle est en orbite. Pourquoi est-ce que les astronautes dans l'ISS flottent ? Ben, ils ne flottent pas, ils tombent. Mais comme tout tombe autour d'eux, comme disait Einstein, ils n'en ont pas l'impression. Leur poids semble avoir disparu. Il est toujours là, mais la station qui est autour d'eux tombe. C'est exactement comme l'ouvrier qui tombe avec sa tuile. L'ouvrier, c'est la station ISS, la tuile, c'est l'astronaute. Tout tombe, mais ils ne s'en rendent pas compte. Les causes et les effets se sont confondus. Ils sont en apesanteur. Apesanteur. Alors, en parlant d'apesanteur, personnellement, moi, je rêve de faire ça. Je sais qu'on peut le faire. Ça coûte, c'est pas donné. C'est de faire un petit vol dans l'avion 0G, qui permet d'offrir à ses passagers un petit moment d'apesanteur. Alors même plusieurs moments d'apesanteur, l'avion en fait va décrire des mouvements de chute libre. C'est-à-dire qu'il va, on est toujours dans le même cas que la station ISS, il va chuter pendant un petit moment. Vous êtes à l'intérieur, vous allez chuter avec lui, tout chute autour de vous, vous ne sentez plus votre poids, vous êtes en apesanteur. Alors ça, c'est encore plus parlant, parce que dans l'ISS, on se dit « Ouais, qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est bon, on est loin de la Terre et tout. » Mais là, on est bien sur Terre, et pendant l'espace d'un instant, alors c'est des espèces de grandes courbes, exactement comme on jetterait un caillou, ça décrit de grandes paraboles, ça dure une trentaine de secondes, tout le monde chute dans l'avion, et l'avion aussi, il coupe les moteurs, hein. Il coupe tous les moteurs, il chute. Alors, il garde un tout petit peu pour lutter contre les frottements de l'air, pour vraiment avoir une chute libre, parabolique. Eh bien, tout à l'intérieur est en apesanteur. C'est assez magique. Et on peut, paraît-il, s'offrir ce type de vol. Après, il faut avoir le cœur bien accroché. Les sacs à vomi sont bien pleins en retournant à la base. Je viens de regarder, du coup, c'est 6 000 euros par vol. Mais le deuxième coûte plus que 5 400 et le troisième 4 800. Faire un petit voyage de groupe. Ah, ça doit être une expérience quand même unique, hein. Ça doit être une expérience unique, hein, je pense. Hein. Ouais, il y en a plusieurs qui l'ont raconté, qui sont. Enfin, ça donne surtout l'impression que tu vas vomir. Mais oui, non, sinon c'est... Ouais, ça te remue pas mal au début, mais comme il y a plusieurs périodes d'apesanteur, les dernières, tu finis par les apprécier, t'as compris le truc, et puis ton estomac s'est mis en place, quoi. Enfin, paraît-il. Et puis, souvenez-vous, pour arriver à la fin de ce dossier, on avait dit que tous les objets massiques tombaient. Je suis décor, jusqu'à présent, voilà, on a parlé d'objets massiques, même dans la théorie de la relativité, objets massiques qui déforment l'espace-temps, mais la lumière n'a pas de masse, la lumière tombe-t-elle? Eh bien oui, la lumière tombe, elle parcourt elle aussi une géodésie qui est plus ou moins courbée, donc déjà on met fin à ce mythe du déplacement de la lumière en ligne droite. Eh bien non, la lumière peut se déplacer en ligne courbe, il n'y a pas de problème. Imaginez, vous vous souvenez, la boîte dans laquelle vous étiez au milieu de l'espace, qui est poussée par l'énorme réacteur dessous. Eh bien imaginez que vous fassiez rentrer de la lumière par un petit trou à gauche de la boîte et que vous vouliez la faire sortir de l'autre côté. La boîte, comme elle monte pendant que la lumière traverse, elle va ressortir plus bas que par où elle est rentrée. Elle va subir une trajectoire courbe. Donc, un champ d'accélération courbe la lumière. Or, comme champ de gravité et accélération sont équivalents, eh bien oui, la gravité courbe la lumière. Einstein avait prédit, et ça a été quand même vérifié expérimentalement de son vivant en 1919, avec une éclipse de soleil totale, qui a permis de voir une étoile que l'on ne voyait jamais, la lumière étant déviée par le soleil. Donc oui, même sans masse, on subit les effets de la gravité. Enfin. Le physicien Eddington en 1919 qui a observé l'éclipse et fait les mesures. Voilà, et bien on est presque arrivé à la fin de ce dossier, alors concluons, voilà, j'espère que... J'en savais un petit peu plus sur la chute des corps, pourquoi les objets tombent. À vous de voir la théorie qui vous paraît la plus satisfaisante. Celle d'Einstein est magnifique, mais difficilement intelligible. Celle de Newton donne des effets qui sont facilement explicables. Et c'est une théorie qui est assez remarquable. Moi, je l'adore. Mais ceci étant, est-ce qu'on sait encore tout sur la gravité? Eh bien... Presque. Les physiciens savent, depuis un demi-siècle, que les interactions sont véhiculées par des porteurs de force, c'est-à-dire des particules qui sont échangées entre les deux corps qui subissent l'interaction. Il y a 4 interactions fondamentales, électromagnétique, la force est portée par des photons, l'interaction faible, que l'on trouve dans la radioactivité, la force est portée par les bosons, W, W-, Z+, l'interaction forte qui assure la cohésion du noyau atomique, et là la force est portée par les gluons, et puis l'interaction gravitationnelle. C'est les 4 forces qui gèrent l'univers. Alors les 3 premières gèrent l'infiniment petit, et la force d'interaction gravitationnelle gère l'infiniment grand. L'infiniment petit s'explique très bien par la mécanique quantique. L'infiniment grand s'explique très bien par la relativité générale. Mais les physiciens en veulent plus. Ils aimeraient bien unifier les deux dans une grande théorie du tout, je ne sais pas, mais au moins ces deux théories, c'est-à-dire faire un lien entre le très grand et le très petit. Alors ils se disent, mais peut-être il existe une particule qui véhicule l'interaction gravitationnelle. Cette particule a été supposée en 1934, elle s'appelle le graviton, mais on la cherche depuis, on l'a jamais trouvée. Est-ce qu'on arrivera à unifier les deux théories en mettant en évidence cette particule porteuse de la gravitation? La prochaine émission dans un siècle ou deux. Et voilà. Non, moi c'est rigolo parce que je pense que vraiment... je suis déformé matheux, hein. Y a rien à faire. Moi, je trouve ça beaucoup plus facile de comprendre Einstein que Newton. En fait, quand j'ai découvert Einstein, quand j'ai commencé à comprendre Einstein, ça me plaît beaucoup plus de dire qu'on va toujours en ligne droite et que juste c'est l'univers qui est courbe. Je trouve ça beaucoup plus facile à comprendre, mais à un point. Donc c'est assez rigolo. Mais bon, c'est des déformations après. Déformations d'espace-temps. À titre personnel, je trouve ça beaucoup plus facile de continuer à dire que tout va tout droit, en fait. Ouais, c'est vrai. Je me dis, bah oui, tout va tout droit, c'est juste que le monde n'est pas droit, donc ça me va beaucoup mieux. Je trouve ça beaucoup plus simple, en fait. Mais encore une fois, j'ai bien conscience d'avoir un cerveau déformé d'une certaine façon. Et juste une question que je me suis jamais posée, c'est bien parce que comme ça fait plusieurs fois que j'entends parler de ce genre de trucs, j'ai beau être mauvais, je finis par comprendre des trucs. La question, c'est du coup, je m'étais jamais posé cette question. C'est des trucs que t'as dit parce que la gravité, c'est instantané. C'est une force instantanée. En fait, c'est juste parce que l'espace-temps est déformé. Et donc, une masse qui se déplace, elle déforme l'espace-temps autour de soi et elle le déforme pas instantanément. Du coup, il y a comme une onde. D'ailleurs, les ondes gravitationnelles, c'est ça. Donc, en fait, il y a une vitesse à laquelle la gravité va s'installer quand même. Oui, celle de la lumière. Comprendre. C'est la vitesse de la lumière. Ouais, exactement. Mais ton image est super bonne. Hein. C'est bien des vagues d'espace-temps qui se propagent autour de la masse en question et elles se déplacent à la vitesse de la lumière. D'accord. Donc, l'information gravitationnelle se déplace à la vitesse de la lumière. Ok. Eh ben génial. Eh ben génial. Après, tu sais, il y a un truc, j'ai fait l'impasse volontairement dessus. Souvent, on essaye, et moi-même j'y suis passé, enfin, j'enseigne pas la relativité générale, Dieu m'en garde, parce que c'est costaud, mais avec cette boule de bowling qu'on pose sur une nappe tendue. Vous avez peut-être dû voir ce truc. Et on dit, regardez, si je jette une bille, ben, elle va suivre la courbure de la toile cirée et se mettre un petit peu en orbite autour de la boule de bowling. Mais ça m'a toujours gêné parce que, en fait, si elle suit cette courbure-là, c'est parce que son poids la tire vers le bas. Enfin, il y a une espèce de mix, justement, entre la déformation de l'espace-temps et puis la force d'interaction gravitationnelle qui explique je trouve qu'elle est un peu foireuse, cette analogie. Sans compter qu'en plus, c'est en trois dimensions. Alors là, imaginez, bonjour la galère, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas forcément simple quand même. Hein. C'est pour ça que j'admire les cerveaux qui arrivent à... Non mais alors, je prétends pas du tout comprendre, hein, parce que moi en plus en physique je suis une tanche. Je dis juste que je préfère dire dans ma tête, ça m'a paru beaucoup plus simple, de dire ça va tout droit, c'est l'univers qui est tordu. Ça me... Mais c'est vrai, c'est pas mal, c'est bon comme image, c'est très bon. Et alors Niels, moi j'ai une question, est-ce qu'il du coup il y a des choses qui ne tombent pas, des particules ou t'as dit que la lumière était tombée, etc. Et c'est une question du coup que je me pose. Est-ce que tout tombe finalement? Je souffre contre ordre ou contradiction d'un de nos auditeurs, mais à ma connaissance, oui, tout tombe. Tout tombe. Tout tombe. Ouais, on peut prendre l'exemple extrême des trous noirs. Mais les trous noirs acquièrent une densité telle qu'ils déforment l'espace-temps pratiquement de façon infinie. C'est-à-dire que voilà, si on imagine qu'on tirerait, j'ai dit que je le prenais par cette analogie, puis je le fais, mais on tire sur la toile cirée comme un malade jusqu'à créer quelque chose de vertical, on appelle ça une singularité, tout tombe dans un trou noir. Il n'y a pas une particule qui échappe au trou noir. Ni même la lumière, bien évidemment, son nom de trou noir, quoi. Et puis, du coup, je voulais profiter de la fin de l'émission donc pour rappeler du coup que tu avais traité en fait de d'avions en particulier et de chute des corps donc dans ton dernier livre. Nils donc est professeur de physique mais aussi auteur prolifique avec 7 livres écrits donc principalement des polars et donc le dernier s'appelle Vol AF-747 pour Tokyo. Voilà, est-ce que tu peux nous en dire un tout petit mot pour donner envie de lire à nos auditeurs? Mais oui, avec grand plaisir. Et en fait, l'émission que j'ai fait là, c'est plus pour le plaisir de venir vous parler de physique. Et le prétexte était la sortie de ce livre qui se déroule dans un avion. Donc, je m'étais dit, voilà, un avion, ça vole, ça lutte contre la gravité. Donc, c'était une excellente occasion de faire cette petite balade historique dans l'histoire de la chute des corps. Mais ce livre n'a rien à voir avec la physique. Le cadre est un avion, voilà, basta, j'ai tout dit. Et en fait, je me suis amusé à faire un meurtre en chambre close. Alors, je sais pas si vous connaissez ça, c'est mes lectures d'adolescents. C'était le mystère de la chambre jaune, c'était les Sherlock Holmes. En fait, le meurtre en chambre close, c'est un truc complètement farfelu. La police arrive devant une pièce, elle est fermée à double tour. Elle défonce la porte et à l'intérieur, il y a un cadavre. Il n'y a pas d'autre issue que celle par laquelle vient de passer la police. Comment est mort la personne à l'intérieur? Et donc, il y a toujours un détective hyper malin, hyper subtil, clairvoyant, qui va percer le mystère de la chambre close et trouver par quel biais cet homme a été tué ou cette femme a été tuée à l'intérieur. Et donc, je me suis amusé à faire ça. Alors, c'est vraiment artificiel parce que, voilà, c'est une situation qui n'existe pas. Et moi, pour que ça soit encore plus artificiel, j'ai mis ça dans le cockpit d'un avion. Donc, les passagers, en plein vol, découvrent que le cockpit est fermé. Et quand ils arrivent à l'ouvrir, le commandant de bord est mort à l'intérieur. Comment c'est possible? Ils étaient tous devant la porte qui était fermée. Et quand ils ont ouvert, il était mort. Et il y a bien évidemment un vieux flic à la retraite qui va enquêter un peu old school, quoi, un peu à la Colombo, à la Hercule Poirot. D'ailleurs, il s'appelle Pierre Choulot, qui est un anagramme de Hercule Poirot, pour percer le mystère de ce cockpit clos. Je me suis bien amusé. Voilà. Donc, c'était le seul lien avec l'émission de ce soir. Voilà. D'accord. Non, moi, en tant que matheux, tu t'es permis d'utiliser le mot infini au moins 3 fois. Je note. Je ne juge pas, mais je note. L'infini n'est pas tabou en sciences physiques. Mais justement, non, il était très bien appliqué parce que tu as dit que justement le fait qu'il y avait un infini, une vitesse infinie, mettait mal à l'aise un physicien. Et donc, j'ai entendu parler d'aller dans l'infiniment petit, la physique des particules et l'infiniment grand. Non. Mais j'ai bien entendu. C'est un abus de langage. comment on appelle ça? C'est un élément de langage de physicien, l'infiniment petit, l'infiniment grand. C'est même un bouquin dans mes toilettes qui s'appelle comme ça. Tout le monde. C'est vrai. C'est bon, Robin. S'il a un bouquin dans ses toilettes, ça veut dire que c'est vrai. En informatique, l'infini est vraiment très mal lu, par contre. Hein. Juste. Oui, c'est vrai. Non, sinon, dans la chatroom, globalement, ça a dit que c'était bien. cool. Bah oui, parce que pour le coup, autant jusqu'à Newton, c'est un sujet que je maîtrise bien, autant après, il m'a fallu bosser. Alors, je conseille d'ailleurs à nos auditeurs, en fait, j'ai pas mal bossé sur le livre d'Einstein lui-même, sur la relativité. Qui s'appelle, je crois, Comprendre la relativité générale. L'introduction est croustillante, parce qu'il vous dit, oui, si vous êtes un lycéen de bon niveau, il n'y a pas de problème, ça va le faire. Ouais, merci Albert. On attaque le premier chapitre, effectivement, ça le fait. Il pose des règles en bâton, en bois, sur la terre et tout, on comprend à peu près. Puis commence deuxième chapitre, troisième chapitre. Alors, la relativité restreinte, on y arrive encore, en s'accrochant bien. La relativité générale, ça demande à être lu, relu, re-relu. Et on comprend pas tout. Donc le lycéen de bon niveau, il faudrait vraiment qu'il soit de très bon niveau. Mais tu sais, le niveau du bac maintenant, c'est terriblement bon, monsieur. Alors on a une question que j'ai oubliée de La Poiras qui nous demande « Je me permets de reposer ma question car cela me taraude. J'imagine assez bien l'idée globale de la trajectoire en ligne droite dans un espace courbé. Mais cela me semble être une forme de théorie effective, comme on parlait avec Newton. Ma question, qu'est-ce qui explique la déformation de l'espace-temps par un corps massique au-delà de la simple constatation du fait ? Ah, alors j'ai fait l'impasse sur l'équation de la relativité générale, que j'invite notre auditeur à aller voir, avec les tenseurs, impulsion, énergie. Alors là, voilà, par exemple, je suis en terrain glissant, hein, je l'avais mise, ça a été mathématisé hein, par Einstein, hein, vraiment. On voit bien le lien entre masse et énergie, déformation et mouvement. C'est plus effectif, parce qu'en fait, le truc, c'est que la relativité générale montre qu'il n'y a, en fait, il n'y a pas de gravité. C'est ce que disait Robin. Tout le monde se déplace en ligne droite. Nous nous déplaçons en ligne droite tout le temps. D'accord ? Nous ne chutons pas. Nous nous déplaçons en ligne droite sur notre trajectoire d'espace-temps. Voilà. Donc en fait, on peut pratiquement dire, ça s'appelle relativité générale. Hein, ça s'appelle pas la théorie de la gravitation. Ça explique. Bon, en fait, d'ailleurs, peut-être ça n'explique pas la chute des corps. Ça raye du tableau la chute des corps. On ne chute pas vraiment, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose. On se déplace dans l'espace-temps, en ligne droite. Oui. Oui, du coup, effectivement, moi, ça me paraît plus très effectif, ça, ce genre de choses. Effectivement, Enfin, c'est autant effectif que qu'est-ce que ça veut dire qu'une ligne droite, quoi. Mais, oui. Oui, c'est forcément, ça doit être sujet à débat. Voilà, bon, par effectif, j'entendais qu'effectivement, la théorie de Newton permet, grâce aux mathématiques, de prédire les effets de la gravité de façon assez remarquable. C'est vrai que la théorie de la relativité générale permet des prédictions encore meilleures pour d'autres objets que les pommes et la Lune et Mars. Donc, elle est encore plus effective, finalement. C'est vrai. Mais le rôle d'une théorie, c'est aussi quand même d'être effectif, c'est-à-dire de prédire des effets. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Niels. Cléora, est-ce que tu peux nous rappeler le quiz du mois ? Oui. Donc, à chaque roue libre, à peu près tous les mois, on a un petit quiz qu'on répond. Et le quiz est le suivant en ce moment. Donc, on va répondre la semaine prochaine, le 7 avril, il me semble. Boire son urine est bonne pour la santé, info ou intox. Et donc, vous n'avez plus qu'une semaine, si vous voulez écouter en live avec nous ici, à répondre à podcastscience@gmail.com. Il me semble qu'on n'a pas reçu beaucoup de réponses d'ailleurs. Non, on veut des expériences, on veut des gens qui boivent, on veut des différences de goût, des dégustations à l'aveugle, des expériences randomisées. Bref, faites-nous rêver. Sur le dégustation d'urine. Alors, j'avais totalement oublié, mais est-ce que tu es quand même venu avec une quote ? Je l'ai. Parfait, la quote du mois, juste à temps. Merci, Niels. Pardon, je t'avais pas prévenu en plus, je te mets... Voilà. Je vous la fais ? Vas-y. Ce petit livre a pour but de faire connaître d'une manière aussi exacte que possible la théorie de la relativité à ceux qui s'intéressent à elle. La lecture suppose à peu près des connaissances de bachelier et une bonne dose de patience et de force de volonté. Très bien, ben, je la trouve très bien, moi, cette phrase, ça donne, ça ouvre, tout le monde est... Voilà, la théorie de la relativité générale est à vous, avec un petit peu de bonne volonté, s'il vous plaît. Il suffit de traverser la rue. Exactement. Et ben, merci beaucoup, Niels, et puis tu reviens quand tu veux. Eh ben, ce sera avec grand plaisir, je vais sortir un nouveau livre, et puis je viendrai faire un truc complètement qui n'a rien à voir. Et donc, bah, nous vous remercions pour nous avoir écouté parler de chute. J'espère que le sujet est tombé à point. Et en attendant, que servir la science soit votre joie.